الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi l'ensemble des envoyés et des prophètes. Et de même Allah subhanahu wa ta'ala, de tous les endroits de la terre, il a choisi la Mecque, cet endroit sacré et béni, l'endroit où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit dans lequel la révélation lui est parvenue, l'endroit dans lequel il est resté, appelant les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la religion, la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam. C'est donc une terre sacrée et qui a été rendue sacrée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a choisi cette terre et l'a rendue sacrée. Il l'a, et ce qui nous montre les bienfaits et l'importance de cette ville, la Mecque, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité à plusieurs reprises dans le Coran. Il l'a nommé Mecca lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui a épargné leurs mains de vous et a épargné vos mains d'eux, et ceci dans la vallée de la Mecque. Il l'a appelé aussi Bakkar. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens, la première des maisons construites pour les gens afin d'y adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et celle présente dans Bakkah, qui est bénie et qui est une guidée pour l'ensemble des mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé également la mère des contrées ou la mère des livres lorsqu'il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que tu mettes en garde les habitants de la mère des villes et de ceux qui l'entourent. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a également appelé la terre sûre, celle où il y a la tranquillité et la sérénité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même juré par cette ville lorsqu'il a dit wat-tin wa zaytoun, par la figue et par l'olive. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la suite wa hadha al-balad amin, et par cette terre sûre qui est la Mecque. Et c'est une terre sûre à la fois pour les gens, mais aussi pour les animaux et pour la végétation, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari Muslim sur Abdullah ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette terre est rendue sacrée ou a été rendue sacrée par Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il a créé les cieux et la terre. C'est donc, elle est donc sacrée par le sacre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y est interdit à quiconque de tuer dans cette ville. Et il est interdit à quiconque de couper un arbre, ni d'y chasser, ni d'y prendre un objet trouvé, sauf pour celui qui recherche le propriétaire. Et c'est la terre la plus aimée d'Allah et la plus aimée de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la victoire, lorsqu'il s'est dirigé vers la Mecque et a parlé à cette ville en disant, par Allah, tu es la meilleure des terres d'Allah et tu es la plus aimée des terres chez Allah, et si mon peuple ne m'avait pas sorti de toi, je ne serais jamais sorti. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant à la Mecque, quelle belle ville tu es, et comme tu es aimé chez moi, et si mon peuple ne m'avait pas sorti, je n'aurais pas habité dans une autre ville que toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui nous montre également les bienfaits de cette ville, c'est qu'il l'a choisi comme point de révélation, comme le point central de la révélation qu'il a donnée à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de cette ville qu'a commencé l'islam, et c'est dans cette ville qu'est descendu le Coran. Les bienfaits et les mérites de la Mecque sont donc très nombreux. Parmi eux, parmi les bienfaits de la Mecque, c'est que celui qui s'y rend sans faire de turpitude, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, celui qui vient dans cette maison qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque et ne fait pas de turpitude, il retournera chez lui comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et il n'y a pas sur terre un endroit qu'il est autorisé d'embrasser et de toucher, à l'endroit que si l'on touche et que l'on embrasse, cela a pour conséquence le pardon des péchés. Il n'y a pas sur terre un endroit comme celui-ci, si ce n'est la Mecque, et en particulier la pierre noire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de toucher la pierre noire et le coin yéménite efface les péchés en grande quantité. Et la prière à la Mecque équivaut à 100 000 prières dans toute autre mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sur le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, la prière dans ma mosquée équivaut à 1000 prières dans les autres mosquées, hormis la mosquée de la Mecque, et une prière dans la mosquée de la Mecque équivaut à 100 000 prières dans toute autre mosquée. Ce qui nous montre aussi les bienfaits de la Mecque et sa grande importance, c'est que c'est le seul endroit vers lequel chacun des musulmans de la terre doivent se diriger durant la prière. C'est la seule et unique direction. Il n'y en a pas deux. Et celui qui prie vers une direction autre que celle de la Mecque, sans être ignorant et sans l'avoir fait par oubli, alors sa prière n'est pas acceptée. Et ceci à l'unanimité des savants. Ce qui nous montre aussi la grande importance de la Mecque, c'est qu'il est interdit, lorsque l'on fait nos besoins, d'uriner en direction de la Qibla ou de faire ses excréments en tournant son dos vers la Qibla, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Selon Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous mettez pas en face de la direction de la Mecque lorsque vous urinez, et ne lui tournez pas le dos lorsque vous faites vos excréments, mais dirigez-vous plus à l'est ou bien à l'ouest. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'est et l'ouest car il est à Médine, et la Mecque se situe au sud de Médine. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé ou a ordonné ses compagnons radhiyallahu anhum, lorsqu'ils font leurs besoins, de se tourner en direction de l'est ou de l'ouest. Tout dépend donc du pays dans lequel se trouve la personne. Si tu te trouves dans un pays où la direction de la Mecque se trouve à l'est et à l'ouest, alors dirige-toi vers le nord ou vers le sud lorsque tu fais tes besoins. Et dans la Mecque, il y a la première mosquée construite pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné: quelle est la première mosquée qui a été construite pour les gens sur terre afin qu'ils y adorent Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Masjid al-Haram, c'est la mosquée de la Mecque. Puis il lui a été dit, et ensuite il a répondu: c'est la mosquée de Jérusalem. Et il lui a été dit: combien de temps ont séparé la construction de ces deux mosquées? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: 40 années. Ce qui nous montre également les bienfaits, les spécificités de la Mecque, c'est que celui qui meurt en voulant s'y rendre, il aura alors la récompense du pèlerinage ou bien alors de la Umrah, et ceci jusqu'à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, celui qui sort de chez lui en voulant faire le pèlerinage à la Mecque puis meurt durant son trajet, Allah subhanahu wa ta'ala lui comptabilisera la récompense d'un pèlerinage jusqu'à la fin des temps. Et celui qui sort de chez lui en voulant faire la Umrah puis meurt durant le trajet, Allah subhanahu wa ta'ala lui comptabilisera la récompense d'une Umrah, et ceci jusqu'à la fin des temps. Et il y a la Mecque, beaucoup d'endroits sacrés, des endroits dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré leur importance. Parmi eux, la pierre noire que j'ai citée précédemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur cette pierre noire qu'elle est descendue du paradis en étant plus blanche que le lait, et elle a été rendue noire par les péchés des fils d'Adam. Il y a aussi à la Mecque, à Rukunul Yamani, le coin yéménite, dans la Kaaba, le coin qui va en direction du Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce coin yéménite de essuyer celui qui essuie ou qui touche la pierre noire et le coin yéménite, eh bien cela efface les péchés de façon abondante. Et à la Mecque, il y a aussi les circumambulations, at-tawaf, les tournées autour de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait 7 tournées autour de la Kaaba, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Et il y a aussi à la Mecque le point de Ibrahim, Maqam Ibrahim, un endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité et a dit Inna Rukna, a dit que la pierre noire ainsi que le Maqam, que le point de Ibrahim, Maqam Ibrahim, sont deux rubis parmi les rubis du paradis, ou sont deux joyaux parmi les joyaux du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a éteint leur lumière. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas éteint leur lumière, ils auraient éclairé entre l'Orient et l'Occident. Il y a aussi à la Mecque l'eau de Zemzem, que vous connaissez tous, une eau sacrée, une eau bénie, une eau qui n'est autre qu'un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Combien de gens boivent de cette eau? Combien de gens apportent cette eau chez eux lorsqu'ils retournent du pèlerinage ou de tout autre voyage? Une eau qui n'a jamais cessé de jaillir depuis le temps de la femme d'Ibrahim alayhi salam jusqu'à nos temps. Et l'arrêt de l'eau de Zamzam est un des signes de la fin des temps. C'est donc un des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une terre aride, une terre qui connaît très rarement de la pluie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que c'est la meilleure des eaux sur terre. Comme cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu, un hadith jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, la meilleure des eaux à la surface de la terre, c'est l'eau de Zamzam. C'est une nourriture pour celui qui veut manger, c'est un médicament pour celui qui est malade, et la pire des eaux sur terre, c'est une eau située dans une rivière appelée Barahout, et ceci dans le Yémen, dans le pays du Yémen. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, pour nous montrer les bienfaits et les mérites de l'eau de Zamzam, l'eau de Zamzam, lima shuribalah, lorsque tu bois l'eau de Zamzam, ce que tu souhaites durant le moment où tu bois cette eau, Allah subhanahu wa ta'ala te l'accordera et te l'exaucera. Profite donc, lorsque tu t'apprêtes à boire l'eau de Zamzam, demande à Allah subhanahu wa ta'ala à l'intérieur de toi qu'il t'accorde une science bénéfique, qu'il t'aide à être un musulman qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui applique ses préceptes et s'éloigne de ses interdits. Lorsque tu bois Zamzam et que tu es malade, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la guérison. Lorsque tu es célibataire et que tu désires te marier, bois Zamzam en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder une épouse pieuse. Lorsque tu fais des péchés, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu bois Zamzam, qu'il te pardonne ces péchés et qu'il te fasse entrer au paradis. On as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila sawa'i sabil وأن يكرمنا بالذهاب إلى تلك البقاع المقدسة بلد الله الحرام مكة المكرمة.